Fransız lokantası. Le Bistro Français. Fransızca Türkçe kültür mutfağından sohbetler. Hazırlayıp sunanlar Marie Munhoven, Steven Riff, Adrien Lisha ve Gökşen Şahin Lisha. Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, trois, quatre. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au Bistro Français. Baylar, bayanlar, Fransız lokantasına hoş geldiniz. Sortez. Venez-y-vous. Ça allait pour moi, monsieur Septime? Mais c'était pas mal, mon petit Roger. Fausse tombe. Attention, vous, hein. Trois, quatre. Alors, ce soir, au menu, une entrée par notre chef Adrien. Un brin de verdure à polonaise cueille. Notre plat principal, Madame Sevim Gökyıldız, présidente des gourmets d'Istanbul. Et en dessert, Marie nous servira un voyage de sœur Paul Lucas ordonné par Louis XIV. Evet, bu akşamki menümüzde ilk yeşillik açılış salatasını Adrien Polonezköy'den getirecek. Ana yemekte Sevim Gökyıldız'ı ağırlayacağız. Arkasından tatlıda da Marie bize Paul Lucas'ın yolculuğunu anlatacak. Alors, Adrien, cette entrée de Polonezköy. Une petite entrée tout en verdure donc. On vous emmène à Polonezköy. Alors, le printemps arrive et avec un peu de chance, on aura bientôt l'occasion de sortir de la ville pour aller souffler et respirer l'air de ces forêts. Situé dans le district de Beykoz, à une quinzaine de kilomètres du Bosphore, il n'est pas besoin de beaucoup s'éloigner pour être dépaysé. Au-delà de ces forêts qui nous rafraîchissent, le village a cette particularité d'avoir accueilli depuis plus de 150 ans une colonie polonaise. Fondée en 1842 par le prince Adam Jerzy Swartzowski sous le nom de Adam Paul, le village a commencé son existence avec 12 habitants. Il a ensuite profité des différents mouvements de rébellion et leur flot de migrants pour atteindre jusqu'à 222 habitants. Aujourd'hui, si la plupart des immigrés polonais sont rentrés en Pologne au moment de l'indépendance, on retrouve encore, ça et là, des traces de leur passage à Polonezköy. Par exemple, lors du festival de la cerise qui aura lieu cette année le 13 et 14 juin, vous pourrez découvrir le folklore polonais qui est célébré dans tout le village. D'ici là, rien ne vous empêche d'aller prendre un petit déjeuner à Polonezköy. Parce que, au-delà de ces polonais et de ces forêts, le village est surtout connu pour la qualité de ses petits déjeuners. Vous trouverez ainsi une multitude de restaurants et de petits hôtels où l'on peut se restaurer avant de partir se promener. Ensuite, à vous de choisir. Parcours à vélo, à cheval ou à pied, la forêt laisse une multitude de choix à ses invités. Finalement, Polonezköy, c'est une grande sérénité, à seulement 30 minutes d'Istanbul. Alors, merci beaucoup Adrien pour cette chronique rafraîchissante. Passons maintenant au plat principal. Bonsoir Madame Gökyıldız. Bonsoir. Alors, nous allons commencer en vous demandant de vous présenter et de nous raconter vos liens qui vous unissent avec la France. Avec la France depuis ma jeunesse, tout d'abord. À 19 ans, j'étais à Paris pour faire un stage. Et après, j'ai passé en Belgique. J'ai appris mon français. Donc, alors, depuis cet âge-là, plusieurs fois, parce que j'ai travaillé dans des firmes françaises. Et depuis 25 ans, je suis dans la gastronomie. Je fais beaucoup d'activités entre la France et la Turquie. C'est toujours en français et sur la gastronomie. Evet, bu akşamki konuğumuz İstanbul Gurme Derneği'nden. Değil mi? Doğru tercüme ediyorum Türkçesinde. Tam olarak söyleyeyim. Association des Amis des Gourmets, Mutfak Dostları Derneği. Evet. Sevim Gökyıldız bizimle beraber. Aslında Sevim Hanım'a Fransa'yla olan bağını sorduk. Aslında 18 yaşında ilk başladığını ve dolayısıyla Fransızcayı da öğrenmek üzere Fransa'ya gittiğini, ardından bir sürede Belçika'da kaldığını söyledi. Son 25 yıldır da aslında gastronomiyle, yani mutfak sanatlarıyla ve aynı zamanda gurmelerle ve aynı zamanda şeflerle iç içesiniz diye anlıyoruz. Oui, c'est bien, böyle. Alors, vous nous avez raconté avant l'émission que vous aviez deux mères et deux cuisines, une française, une turque. Ah oui. Et pour les fourneaux, c'est pareil, vous avez ces deux cultures. Donc, racontez-nous justement, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à défendre ces cuisines et à les faire connaître? C'est-à-dire, en France, j'étais 19 ans déjà, et puis je suis restée chez une famille. Donc, j'avais une mère française, et elle cuisinait très bien, vraiment un cordon bleu. Et en Turquie aussi, j'ai une mère qui cuisine très bien, très bien. Donc, comme ça, j'ai eu l'occasion de connaître et apprendre des cuisines. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on disait cassoulet, je connais comment on fait cassoulet français, et cassoulet turc, c'est kuru fasulye. Donc, alors, les deux, je sais très bien préparer. Evet, Stefan, iki anneniz olduğundan dolayısıyla iki mutfağa da aşina olduğunuzdan söz etti. Fransa'ya 18 yaşında gittiğinizde kaldığınız Fransız ailenin annesi çok iyi cordon bleu yaptığını öğrendik bu arada. Evet, çok iyi yemek yapıyor. Sizin kendi anneniz de aynı zamanda çok iyi yemek yaparmış. Dolayısıyla her iki mutfağa da gayet hakim olduğunuzu anlıyoruz. Örneğin işte kasüleden bahsedersek, Fransa'da kasüle dediğimiz yemeğin bizim Türkiye'de güveçte kuru fasulye, güveçte hatta haklısınız, çok güzel olduğunu anlıyoruz. Alors, on va pas vous demander ce soir de choisir entre les deux cuisines. Peut-être que le jour où on fera des kuru fasulye avec une cuisse de canard confite, ben on arrivera au summum de la rencontre des cultures franco-turques. Voilà, ça c'est très bien, c'est une très bien mariage. Alors, à mon avis, les deux, c'est très très bien. De créer les liens. Oui, créer, entre les deux. Oui, alors, c'est bien. Et donc, racontez-nous aussi les projets que vous avez. Je sais que prochainement, il va y avoir une soirée entre les accords vin et fromage que vous organisez à Istanbul. D'autres événements sont à venir. Racontez-nous un peu justement quelle est cette démarche, pourquoi vous organisez ces soirées, quels sont les gens qui viennent et qu'est-ce qu'on y apprend, qu'est-ce qu'on y découvre dans ces événements. Tout d'abord, je dois dire qu'il y a beaucoup de fromages en Turquie, mais on ne connaît pas parce qu'on n'a pas déjà fait officiellement le AOI, c'est-à-dire appellation origine contrôlée ou d'accord, appellation origine indiquée. Et à ce sujet, j'ai travaillé avec un professeur, donc je connais très bien maintenant quels sont les fromages appellation origine indiquée. Il n'y a pas beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de fromages en Turquie, mais on n'en a pas beaucoup déjà indiqués. D'accord. Oui, on entend toujours les traditionnels, les mêmes. Alors là, donc je connais tous ces fromages-là. D'autres parties, je travaille avec une académie, c'est une académie du vin. Cette académie du vin, ils font du vin avec des cépages turcs. Et j'ai dit, parce qu'en France, c'est très à la mode maintenant, on fait accord du vin et du fromage. J'ai dit, pourquoi pas faire ça en français? Parce qu'en turc, on fait, mais comme je parle le français, j'ai dit pour les jeunes, pour les francophones surtout, j'ai un projet comme ça. Et plus tard, j'ai aussi des projets en francophone, toujours en français, et cette fois-ci sur les plats traditionnels, disons dolma, köfte, börek, ce sont des choses de la cuisine turque, et pourquoi pas faire avec les Français. Les Français et les Françaises. Les Françaises apprennent des classiques turcs aussi en étant ici. Voilà. Stefan, tercüme etmek gerekirse, Stefan kısaca bu gelecekte yaptığınız etkinliklerden ve ne tarz etkinlikler yaptığınızdan söz etmenizi istedi. En yakın buluşma anladığım kadarıyla şarap ve peynir buluşması. Alors, c'est déjà passé, mais je pense de répéter dans le mois d'avril ou de mai aussi. Aslında biz programı önceden kaydettiğimiz için bu şarap peynir buluşması siz dinlediğinizde geçmişte kalmış oluyor ama Nisan ya da Mayıs aylarında, Nisan ve Mayıs aylarında bunun buluşmanın tekrarlanması bekleniyor. Baktığım zaman Türkiye'de çok peynir olduğundan ama bunların Fransa'daki gibi coğrafi bölgelerine göre isimlendirilmediğinden, en azından bununla ilgili bir özel çalışma yapılmadığından söz ettiniz. Bunun yanı sıra bir de Şarap Akademisi ile birlikte çalıştığınızdan bu iki çalışmayı buluşturmayı planladığınızı söylediniz. Bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. Türkiye'de henüz bu böyle bir kanun yok. Bekliyor daha bu kanunun çıkması. Her ürünün, her coğrafi işaretinin belirlenmesi, sınırlarının çizilmesi gerekiyor. Tam olarak çalışmasa da patent enstitüsü var. Türk Patent Enstitüsü. Onun böyle bir çalışması var. Ben patent enstitüsünden çıkmış olan peynirleri tespit ediyorum. Şu ana kadar 7-8 tane çıktı. Onlarla çalışıyorum. Hı. Biz aslında düşündüğümüz zaman ismen Kars peynirini şeyi biliyoruz ama bunların çok azı patentini almış. Evet, çok azı Kars'ta yapılmış oluyor. Onun asıl kontrol edilmesi lazım. Anladım. Alors madame Gok, ils disent, on vous a vu récemment avec Jules, le dessinateur qui était notre invité il y a quelques semaines sur Achik Radio. Vous l'avez emmené manger des menteux, alors encore un plat classique. Mais je crois que vous avez aussi des adresses même contemporaines de cuisine de la jeune génération turque à nous faire connaître. Parce que je crois que depuis, vous disiez, depuis 4, 5 ans, 6 ans, il y a dans cette nouvelle génération de chefs turcs des gens qui ont envie d'aller explorer des nouvelles saveurs tout en gardant voilà, une base turque. Mais comme vous disiez, d'une cuisine fusion ici qui n'existait pas encore en partant de la cuisine turque. Ah oui, c'est vrai. Depuis 5-6 ans, en Turquie, il y a les jeunes chefs. Donc je suis très contente. J'ai fait un livre sur ce sujet-là. Même j'ai eu le prix de gourmand de Paris. D'accord. Ce livre-là, c'est sur les restos traditionnels. Nous disons esnaf lokantası. Oui. Esnaf lokantası, ça n'a jamais changé depuis le 15e siècle. C'est toujours la même chose. Alors, on ne change pas les recettes. Les chefs, c'est toujours, ils copient leur père ou leur maître et ça continue comme ça. Mais depuis 5-6 ans, les jeunes chefs, ils ont, je peux donner même les noms, alors, bien c'est-à-dire sûr, oui. Mehmet Gürs, alors c'est, il est très bien, il a fait, maintenant il fait une cuisine, nouvelle cuisine et puis c'est créatif. Alors. Et c'est quel restaurant Mehmet Gürs? Et Mikla. Mikla, ouais. À Istanbul, dans à Istanbul, un quartier. Et il y a c'est Tepebaşı. D'accord. Et c'est-à-dire il y a Khan, il travaille avec Aylin. Les deux, ce sont des chefs qui ont fait leurs études au Cordon Bleu Paris ou bien les autres grands chefs qui ont voyagé. Alors c'est qu'il faut pour nos chefs. Turc, il faut voyager, il faut voir les autres, il faut changer un peu, modifier si c'est possible, sans toucher l'origine. D'accord. Donc, parce que nous avons des choses revenir. Alors vraiment extraordinaires. Disons, si je peux raconter une toute petite souvenir. Bien sûr. Moi, j'ai cette année, j'étais en France, Imperial Palace d'Annecy, j'ai fait des soirées. Turc dans des restaurants, dans un grand restaurant. Là, alors, le plat le plus demandé, c'était karnıyarık. Vous connaissez karnıyarık sûrement. Alors, c'est une aubergine farcie de la viande hachée, l'oignon, les tomates, les petites poivrons. C'est vraiment quelque chose. Alors, les Français, même les étrangers qui venaient souvent de la Suisse, ils adoraient ça. Donc, alors, c'est vraiment, c'est un plat élaboré, mais très bon. Il y en a de tout ici, hein. La viande. Donc, alors, voilà, ces gens-là, ils connaissent ça. Ils connaissent les vraies valeurs du pays. D'accord. Gastronomique. Et en même temps, ils ont appris la façon, le système, t'aimes les valeurs d'autres pays et c'est une bonne mariage, donc c'est une bonne fusion et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc oui, il y a des jeunes adresses voilà, à découvrir. Voilà. Biz sizi en son birkaç hafta önce konuğumuz olan ünlü çizer Jules'le beraber en son belgeselde evet. görmüştük diye başladık. Dolayısıyla yeni şeyler keşfetmekten zevk aldığınızdan, özellikle de gençlerle çalışmaktan zevk aldığınızdan söz ettik. Bunun üzerine aslında çok ilginç olan esnaf lokantalarının, yani esnaf lokantaları 15. yüzyıldan beri evet hiç değişmedi esnaf lokantaları, ama o bizim Türklere ait bir şey. Yani bugün esnaf lokantası, şöyle biraz bahsedeceğim. Esnaf lokantasının sahibi sabahleyin hale gider. O günkü sebze, et neyse onu alır. Pişirir, saat 11'de vitrine dizer. Ve saat 3'te 4'te o yemekler biter, o restoran kapanır artık. Bu tradisyonel bizim bildiğimiz esnaf lokantası. Ama bugün biraz önce de anlattım, evet. belki siz tercüme edersiniz. Genç şefler var, onlar böyle yapmıyorlar. O da evet. güzel bir şey bizim için. Üç isim söylediniz aslında. Evet. Mehmet Gürs, İstanbul Tepebaşı'ndaki Mikla restorandan söz evet. ettiniz. Ve Kaan ve Aylin. Bahsettiniz. Onlar da Nikol. Evet belki evet Tonton evet. Sokak'ta Nikol'de, onlar da son derece dışa açık. Dolayısıyla aslında bu yeni genç nesil şeflerin gittikçe ustalaşmalarını sağlayan şey bu şeflerin seyahat etmeleri, başka ülkelerin yemeklerine ve tatlarına evet. açık olmaları dediniz. Dolayısıyla bu yeni şefler geleneksel tatları yaşatırken aynı zamanda farklı ülkelerin dokularını da yemeğe ekleyip dolayısıyla hiçbir yerde olmayan yeni tatları yakalayabiliyorlar diye. Evet. Örneğin evet. Emperyal Palas'ta evet. Fransa'da yapılan etkinlikte en çok dikkat çeken yemek karnıyarıkmış anladığım kadarıyla dolayısıyla. Ben bir isim ilave etmek istiyorum çünkü daha iki gün önce onunla bir röportaj yaptım ki kendisini de çok beğeniyorum. Bir genç Didem. Didem yurt dışında Amerika'da okumuş ve burada iki tane restoranı var hakikaten. Bir tanesi Maya belki Karaköy'de çok güzel bir hı hı. Didem Şenol, ayrıca soyadını da verelim. Bildiğimiz prodüileri kullanıyor, bizim Türk prodüileri, ingredientler, ama çok güzel yabancıya dönük yemekler yapıyor. Hı hı. Çok yeni onunla röportajım vardı, bir dergi içinde ben yazıyorum. Onun da adını vermek istiyorum. Tamam, çok teşekkür ederiz. Alors, une question pour les Français, mais peut-être pour les Turcs aussi. Quand il y a deux ans, on est allé à New York, on allait, alors qu'on vivait déjà à Istanbul, on allait dans un restaurant turc manger à New York. Ah bon ? Et des fois, quand on rentre en France, on se pose la question si on voulait inviter nos amis parisiens à une vraie table turque à Paris. Alors, vous qui avez les deux cultures et qui voyagez entre les deux pays, est-ce qu'il y a une bonne table turque à Paris ? À Paris ? Ça, à ce sujet, je veux dire malheureusement. Enfin, comme vous connaissez aussi Paris, il y a beaucoup, beaucoup des petits restos. Ce sont sur Döner Kebab, oui. Lahmacun, ou bien des choses un peu, enfin, fast-food de D'accord. la Turquie. Oui. Mais une vraie table, une vraie resto avec une nappe blanche, alors une service bien... on n'en a pas beaucoup. Juste la dernière fois, il y a déjà 2 ans, une femme turque avait ouvert un resto, oui. mais je crois que ça ne marche pas très bien. D'accord, et à mon avis, cela manque. Il faut bien ouvrir un bon resto comme on ouvre ici, oui. Avec une bonne service, les nappes, ça manque beaucoup. Oui, pour changer J'espère l'image de la cuisine oui, turque. Il faut changer l'image de la cuisine turque. C'est vrai, gastronomie turque, c'est alors c'est un bon plat, bien travaillé. On donne beaucoup de temps pour faire la cuisine turque, élaborer. Ça, j'espère que ça viendra un mm-hmm. jour. Bah, je pense que ça commence. J'ai entendu qu'en Allemagne, il y avait un jeune chef d'origine turque qui est le premier chef turc étoilé et à Hambourg. Et peut-être que bon, ça a débuté en Allemagne, mais sans doute qu'en France viendra oui, aussi un jeune chef d'origine turque. Bon, je vais vous dire alors à ce sujet, parce que la concurrence française, c'est très fort. Peut-être pour ça. Mais bon, mais ça fera des nouveaux apports à la oui, cuisine alors, et inventer quelque chose de plus. Stephen'in sorusu aslında 2 yıl önce New York'a gittiklerinde orada iyi bir yemek için yine bir Türk şefinin restoranı tavsiye edilmiş. Paris'te buna benzer şekilde bir Türk şefinin restoranını bulabilir miyiz dedi. Sizin yanıtınız aslında bence birçok Türk şef için motive edici bir yanıttı. Evet. Daha ziyade Paris'te döner, kebap, lahmacun gibi Türkiye'nin fast foodcularını bulabiliyoruz. Maalesef öyle. Dediniz ama aslında Türk mutfağı çok geniş ve çok güzel bir mutfak. Dolayısıyla bunun tanıtılması için özellikle de Fransa'da tanıtılması için herhalde önünde hiçbir engel yok. Evet, hiçbir engel yok. Şöyle ben arzum tabii böyle güzel bir iyi servisin yapıldığı, şık örtülerin olduğu bir Türk lokantası niçin olmasın? Paris gibi böyle dünyanın gastronomi Mekkesi diyorum ben oraya. Her şey orada var. Yok, ben her gittiğimde özellikle dikkat ediyorum. Ufak restoranlar var ama onlar hiçbir zaman Türk mutfağını şey yapamıyorlar, yani sembolize edemiyorlar. Olmasını çok arzu ediyorum ve bu genç şeflerden belki bir gün birileri gider orada da bir şey açar. Ben biraz önce şöyle bir şaka yaptım, onu kendim tercüme edeyim. Fransızların rekabeti çok fazla, Türkler cesaret edemiyorlar dedim. Bence bu sizin inandığınız genç nesilden birileri çıkacaktır muhakkak. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için ben programımıza. Ben teşekkür ediyorum. Merci beaucoup madame Gekildiz pour tous ces éclairages sur la cuisine turque. C'est moi qui vous remercie. Nous passons maintenant au dessert avec la chronique Le millefeuille de livres de Marie. Alors puisque nous avons accueilli aujourd'hui madame Gekildiz, nous allons poursuivre sur le thème de la gastronomie en Turquie. C'est Paul Lucas, un voyageur et écrivain français des 17e et 18e siècles qui nous accompagne pour ce dessert. Il aurait commencé très jeune ses voyages, certains pensent même qu'il a débuté comme corsaire. Pour acquérir des pierres précieuses, son premier voyage au Levant a eu lieu dans les années 1690. Sous l'ordre de Louis XIV, il a été envoyé en Turquie, en Asie, en Syrie, en Palestine, en Haute et Basse-Égypte en tant qu'antiquaire du roi pour enrichir de ses trouvailles les cabinets du roi et de sa belle-sœur allemande, ainsi que pour relever les inscriptions grecques et latines, c'était en 1714. Il a publié plusieurs livres, traduits en anglais et en allemand, dans lesquels il raconte ses voyages, ses expériences et ses nombreuses rencontres dans tous les pays qu'il a eu la chance de visiter à l'époque. Je vais d'ailleurs maintenant vous lire 2 courts extraits de ses voyages en rapport avec le sujet gastronomique de ce soir. Le premier nous fait découvrir l'ancêtre du supermarché moderne. Il y a des bazars pour toute la ville où l'on ne vend que des denrées pour manger, comme plusieurs boutiques où l'on vend des pâtés, des douceurs de toute façon, des boutiques où se vendent l'huile, le beurre, le fromage et d'autres où l'on ne vend que des fruits frais et secs. Le premier étage sert de magasin pour ses marchandises et le second pour loger, où l'on est en grande sûreté comme j'ai dit, puisqu'il y a des gardes aux portes qui prennent connaissance de tout ce qui entre et tout ce qui sort. Le second passage que j'ai sélectionné raconte une promenade dans les montagnes de l'Est où nous dit Paul Lucas, les moutons qui y paissent, ont la laine plus longue et plus fine que les autres. Il écrit « Comme on me disait tant de merveilles de cette montagne, j'y voulus y retourner pour la troisième fois et j'y fis porter la collation. Quand nous y fûmes et que je vis que l'on avait apporté de l'huile et du vinaigre, il me prit envie d'aller cueillir des herbes pour en faire une salade. J'en cueillis plus de 400 sortes dont je fis une très grande salade que nous trouvâmes excellente et qui fit notre collation. Tout croit en l'abondance dans ce pays. Le pain, le vin, la viande et toutes sortes de fruits y sont à grand marché, mais surtout le vin y est très excellent. » Voilà, donc ces passages étaient extraits du second volume des voyages de Paul Lucas au Levant sur ordre du roi. En 1700 14. En 1714. Merci beaucoup Marie. Marie'nin bu hafta tatlı olarak bizimle paylaştığı Paul Lucas'ın seyahatleri de 14. Louis'nin emriyle Suriye, Türkiye, Mısır gibi bölgelere gidip hem kendisi hem de baldızı için, Alman baldızı için antikalar toparlaması üzerine gönderildiği yol seyahatlerinin İngilizceye ve birçok dile çevrilen kitaplarından, özellikle de mutfaklara ilişkin bölümünü okudu. Şimdi yavaş yavaş hesaba geçiyoruz herhalde. Alors, merci beaucoup Marie, merci beaucoup Gökşen, merci au chef Adrien et surtout merci à Sevim Gökildiz qui nous a accompagnés ce soir, l'invitée parfaite pour ce bistrot français. Et nous espérons la revoir bientôt et nous vous parlerons sans doute des prochains événements qu'elle organisera pour bien manger à Istanbul. Merci à tous, à bientôt. Bir dahaki programda görüşene kadar afiyette kalın. Fransız lokantası. Le bistrot français. Fransızca Türkçe kültür mutfağından sohbetler. Hazırlayıp sunanlar Mari Munhoven, Steven Riff, Adrian Lisha ve Gökşen Şahin Lisha.